Thank you, Don. I've got a song for you right now. Real smoky, too. C'était le seul choix, facile de se décider. Chialer ou être méchant, j'ai juré de jamais céder. J'ai pas de faire un dessin, t'as senti mon mal-être. J'préfère suivre mon destin, j'te laisse les clés du palais. Les mains étaient dans la merde, elles étaient faites pour le diamond.